J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne, pour qu'elle vienne. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne ce lundi. Mon ciel est pâle, mon ciel est gris, et puis sans elle, et puis sans elle. Mon ciel est pâle, mon ciel est gris, et puis sans elle, je m'ennuie. Si par malheur elle ne vient pas, oh je ne lui en voudrais pas. Si par malheur elle ne vient pas, c'est qu'elle aura eu du tracas. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne, pour qu'elle vienne. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne ce mardi. Mais on annonce un peu de pluie, c'est pas de veine, c'est pas de veine. Mais on annonce un peu de pluie, elle viendra plutôt mercredi. Si par malheur elle ne vient pas, oh je ne lui en voudrais pas. Si par malheur elle ne vient pas, c'est qu'il y a du travail là-bas. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne, pour qu'elle vienne. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne ce jeudi. C'est jour de marché aujourd'hui, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est jour de marché aujourd'hui, elle préférera vendredi. Si par malheur elle ne vient pas, oh je ne lui en voudrais pas. Si par malheur elle ne vient pas, c'est que sa mère ne voulait pas. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne, pour qu'elle vienne. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne ce samedi. Et dire que le printemps fleurit, quelle merveille, quelle merveille. Et dire que le printemps fleurit, de l'avoir je me réjouis. À mon ami pour qu'elle vienne, pour qu'elle vienne. J'ai fait une lettre à mon ami pour qu'elle vienne jusqu'ici. Mais dimanche un méchant m'a dit, oublie ton rêve, oublie ton rêve. Mais dimanche un méchant m'a dit, elle a trouvé un autre ami.